Ouais, mais tu vas être obligé de jouer au métronome quand on joue à plusieurs. Parce que sinon, ils vont pas être contents. Si tu te cales pas. Ed, have you some drum? Écoute ce que fait Ed. Moi non plus, t'inquiète.